Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la relation France-Québec sous le gouvernement du Parti québécois de René Lévesque. Monsieur le Premier ministre, au nom des Parisiennes et des Parisiens, au nom de mon conseil et en mon nom personnel, je salue en vous celui qui s'est lui-même assigné le redoutable honneur de façonner le Québec de demain, tel qu'hier le général de Gaulle l'avait pressenti. Quand il débarque en France en novembre 1977, René Lévesque est un peu perçu comme celui qui va amener le Québec à son indépendance. Et c'est un peu au père de la nation québécoise que semble s'adresser le maire de Paris, Jacques Chirac, quand il accueille René Lévesque à l'Hôtel de Ville de Paris le 3 novembre 1977. La visite officielle de René Lévesque en France en 1977 reste probablement l'un des temps les plus forts de toute l'histoire des relations entre la France et le Québec. La France entière sait, voit, entend ce qui se passe ici. Et je puis vous dire qu'elle en vaudra mieux. Vive Montréal, vive le Québec. Vive le Québec libre. J'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être Québécois que ce soir. Le général de Gaulle sur le balcon de l'Hôtel de Ville de Montréal le 24 juillet 1967, suivi de René Lévesque le soir du 15 novembre 1976, jour de l'élection du premier gouvernement du Parti québécois. Où en sont les relations entre la France et le Québec au moment où le Parti québécois accède au pouvoir en 1976? Et à quoi va ressembler cette relation sous le gouvernement indépendantiste de René Lévesque? Pour en parler, je reçois Frédéric Bastien, qui est professeur d'histoire au Collège Dawson de Montréal, également auteur du livre « Relations particulières, la France face au Québec après de Gaulle ». Frédéric Bastien, bonjour. Bonjour. Il se passe, Frédéric Bastien, quoi, un peu moins de 10 ans entre le fameux « Vive le Québec libre » du général de Gaulle en 1967 et l'élection d'un gouvernement indépendantiste au Québec, celui de René Lévesque en 1976. Où en est la France au moment où le Parti québécois prend le pouvoir par rapport au mouvement nationaliste québécois, par rapport à ce fameux cri du bon général 10 ans plus tôt? Bien, je pense que la première chose qu'il faut dire, c'est que la victoire du PQ en 1976 est reçue en France comme un coup de tonnerre, littéralement, une surprise. Il n'y a pas beaucoup de gens qui s'attendaient à ça. Il y en avait quelques-uns, mais la plupart des observateurs, des hommes politiques, des femmes politiques sont pris par surprise par cette victoire des indépendantistes québécois. Donc, il y a vraiment là une réaction de quelque chose que personne n'a vu venir. Ouais. Quelque chose d'important est en train de se passer, est en train de se jouer au Québec. C'est un peu un réveil aussi, parce qu'il y avait eu... c'est pas un hasard que j'ai voulu faire ce lien entre le Vive le Québec libre du général de Gaulle en 67 et presque 10 ans plus tard, l'élection du Parti québécois. Il y a en France, par rapport au cri du général et par rapport à la question de l'indépendantisme québécois, d'une part une division dans la droite française, mais l'élection de 76, c'est un peu un réveil. On avait un petit peu pris ses distances, on avait un peu oublié cette affaire-là de Vive le Québec libre, non? Bien, en fait, politiquement parlant, personne n'a renié le Vive le Québec libre du général de Gaulle. Les successeurs de Gaulle se sont bien gardés de le renier, mais évidemment, ils ne sont pas allés aussi loin et de toute façon... Les gouvernements successifs du Québec, depuis celui de Daniel Johnson, n'ont pas souhaité et ont très bien fait valoir, si on veut, qu'ils n'étaient pas indépendantistes, que le Québec ne s'en allait pas dans cette direction. Donc, c'est pour ça que la victoire du PQ prend un peu beaucoup de gens par surprise. Et l'autre chose qu'il faut dire, c'est que la France est encore en mode découverte du Québec. Donc, lentement mais sûrement, notamment grâce au Québec libre, mais aussi grâce aux chansonniers, on pense au succès de Robert Charlebois et d'autres à l'époque, il y a une découverte du Québec, lentement mais sûrement. Ouais. Donc, les gens connaissent un peu plus le Québec, disons, qu'à l'époque du Québec libre, sans pour autant qu'ils aient une idée très bonne de la situation politique. Ce pays du Québec viendra uniquement quand une société adulte, confiante en elle-même, l'aura approuvée par une majorité claire et démocratique dans un référendum, comme nous l'avons promis. René Lévesque, à nouveau le soir du 15 novembre 1976, à l'élection du Parti québécois, qui bien sûr réaffirme haut et fort cette volonté de tenir un référendum sur la souveraineté du Québec. Revenons à la réaction que suscite cette élection-là, de l'élection d'un gouvernement indépendantiste au Québec, la réaction que ça suscite à Paris. Vous en avez un peu parlé, Frédéric Bastien, étonnement général. Le président qui est en place à ce moment-là, Valéry Giscard d'Estaing, est lui-même très étonné. Parlez-moi un peu de sa réaction. Puis évidemment, ça, parler de cette réaction des Français par rapport à l'élection du Parti québécois, c'est parler des batailles internes aussi au sein de la famille gaulliste, disons ça comme ça, en France. Oui, absolument. Alors, disons qu'il y a deux acteurs qui sont particulièrement intéressants. Donc, il y a le président Valéry Giscard d'Estaing. Et tout à l'heure, on a entendu un extrait de Jacques Chirac, qui est maire de Paris. Monsieur Chirac était auparavant, quelques mois auparavant seulement, premier ministre de Giscard, mais il décide de créer son propre parti politique, le Rassemblement pour la République, un parti qui se veut dans l'héritage de De Gaulle, parti bien campé à droite, tandis que le président Giscard est plutôt un centriste, donc plus pro-européen. Et là, il y a un schisme au sein de la droite. Et Giscard, bien qu'il ait vécu au Québec dans les années 40, quelques mois, il avait enseigné notamment au collège Stanislas, a gardé l'image d'un Québec un peu d'avant la Révolution tranquille, un peu attardé, sympathique certes, mais bon, un peu attardé. Il est assez, pour être poli, déconnecté sur le Québec à ce moment-là. Absolument, il est tout à fait déconnecté. Et là arrive cet événement de la victoire du PQ. Et là, les gaullistes, avec Chirac à leur tête, se disent « Voilà, nous, on est dans la lignée de De Gaulle. De Gaulle avait raison, voilà. » Et Giscard, lui, à l'époque du « Vive le Québec libre », avait qualifié la déclaration de De Gaulle d'exercice solitaire du pouvoir. Donc, raison de plus pour les Chirac et les néo-gaullistes, si on peut les appeler de cette façon, d'attaquer, de critiquer Giscard, si vous voulez, à coup de Québec interposé en disant « Nous sommes les héritiers du général, le général avait compris » et évidemment, Giscard, lui, n'a rien compris du tout. Ouais. Bon, Giscard, quand même, comprend bien que il s'est passé quelque chose, il va se tourner vers un homme qui connaît mieux le Québec que lui, Alain Perfitte. Oui, voilà. Alors, Giscard a l'habileté de dire, bon, voilà, moi, c'est pas moi qui va... Enfin, c'est pas une question qui l'intéresse, alors, mais il faut que je fasse quelque chose. Et il se tourne vers Alain Perfitte, qui est un gaulliste qui n'a pas déserté Giscard, donc... Et Perfitte connaît bien le Québec, est allé en mission pour le général de Gaulle en 1967, et il lui dit, voilà, qu'est-ce qu'on devrait faire, comment on doit marquer le coup, prendre acte de la nouvelle situation. Et donc, Perfitte va lui dire, invitons M. René Lévesque en visite officielle à Paris. Ça, c'est la solution pour marquer le coup. Ce qui fait qu'il arrive, René Lévesque, en visite officielle à Paris. La visite officielle commence le 2 novembre, la visite officielle en France, le 2 novembre 1977. Mais la veille, René Lévesque s'est rendu en visite non officielle à Colombey pour justement se recueillir sur la tombe du général de Gaulle. Mais c'est donc le lendemain qu'il débarque officiellement à Orly pour le début officiel de sa visite en France. Comment est-il reçu à Paris, Frédéric Bastien? René Lévesque va être reçu à Paris, j'exagère peut-être un peu en le disant, mais je dirais presque comme une rockstar. C'est vraiment... Il y a un énorme intérêt pour la personne de René Lévesque. À un moment donné, il va aller poser une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu, sous l'Arc de Triomphe. Et là, il va y avoir une foule qui ne peut pas s'approcher de trop près parce qu'il y a un cordon de policiers qui les empêche, de gendarmes. Et là, il y a des centaines et des centaines de personnes qui sont sur le haut des Champs-Élysées. Là, il va traverser les Champs-Élysées pour serrer des mains. Alors, ça, c'est quelque chose pour un premier ministre du Québec. C'est quelque chose de très inhabituel que le Québec suscite autant d'intérêt en France. Donc, c'est vraiment... Et diplomatiquement, politiquement, parce que ça va compter dans l'équation, évidemment, Ottawa regarde ça du coin de l'œil, il est reçu comme un chef d'État. Voilà, c'est ça. On déroule le tapis rouge, littéralement, et on est vraiment traité, comme vous le dites, comme un chef d'État. Donc, tant au niveau officiel que dans, la réception populaire et médiatique, il y a vraiment, vraiment un très, très grand intérêt. Il y a vraiment beaucoup de gens qui veulent entendre parler, qui veulent voir un élève, qui veulent de lui serrer la main. Enfin, bref, il y a beaucoup d'enthousiasme. Ouais. Il va, bien sûr, on l'a entendu, être accueilli à l'Hôtel de Ville de Paris par Jacques Chirac avec cette déclaration qu'on entendait au début de l'émission qui est très parlante sur l'état d'esprit du moment. On se dit, mais c'est inimaginable aujourd'hui, ce même genre de déclaration. C'est vraiment le portrait d'un moment précis dans les relations France-Québec. Il va aussi parler aux députés de l'Assemblée nationale, René Lévesque. Pour nous, Québécois, en tout cas, c'est littéralement du droit de vivre qu'il s'agit. En Amérique, où nous avons tenu le coup pendant pas mal de temps, notre échec ou notre succès peut même préfigurer, pour le futur, le succès ou l'échec d'autres peuples, également aux prises avec le mal et la rage de vivre, et qui cherchent aussi leur voie. À la France et à l'avenir de la langue et de la culture française, de toute façon, il ne saurait être indifférent que s'affirme sur cet autre continent, un peuple libre qui puisse exprimer en français, avec son accent à lui, toutes les dimensions du monde d'aujourd'hui. Si vous le voulez bien, Monsieur le Président et messieurs les membres de l'Assemblée nationale, je vous prierai donc de transmettre aux hommes et aux femmes de votre pays les vrais et profonds sentiments d'amitié et de fraternité de tous les Québécois et de toutes les Québécoises. Merci. René Lévesque qui s'adresse donc aux députés de l'Assemblée nationale française. Quel est l'objectif pour René Lévesque de cette visite officielle en France? Bien, je pense qu'il y a un double objectif. D'abord, il y a un objectif d'augmenter la coopération entre la France et le Québec. Il y a une coopération qui se développe depuis la visite du général de Gaulle et un peu avant même, disons depuis de Gaulle. Et il y a surtout l'objectif, disons, politique de gagner la France à un appui en vue du référendum. Donc, évidemment, si jamais le Québec choisissait l'indépendance par référendum, la reconnaissance des résultats par la France serait bien évidemment quelque chose de très important pour le gouvernement Lévesque. Donc, ça aussi, c'est bien sûr un objectif tout à fait fondamental. Donc, il doit gagner la sympathie de la classe politique et évidemment du gouvernement et du président français. Et il l'obtiendra, cet appui. On y reviendra dans un instant, mais toute la fameuse politique du nini qui va faire école pendant des années en France, c'est au moment de ce voyage-là qu'elle sera exprimée assez clairement par le président Giscard d'Estaing. Mais petite parenthèse avant d'arriver à cette fameuse politique du nini pour parler de la réaction de la presse, la couverture. Quel genre d'intérêt a la presse française? Qu'est-ce qu'on dit en France autour de cette visite officielle de René Lévesque en 1977? Bien, il y a une réaction très, très positive de la presse. C'est comme je le disais un peu tout à l'heure. Il y a vraiment... C'est une époque où il y a un engouement. Le Québec, c'est exotique. C'est quelque chose que les Français découvrent. Peu de Français connaissaient. Et là, avec cet événement, donc la visite de Lévesque, la victoire auparavant des indépendantistes un an plus tôt, là, il y a vraiment un gros, gros intérêt qui se reflète dans la presse. Ça fait la une, je lisais en préparant l'émission, Le Monde a un dossier en deux volets. Tous les jours, durant cette visite officielle de René Lévesque, Le Monde, à la une, va parler de la visite de René Lévesque, du premier ministre québécois. Le Nouvel Obs, je reviens à ce qu'on entendait de la bouche de Jacques Chirac au tout début de l'émission. On est dans cet état d'esprit. Le Nouvel Observateur va dire, ni plus ni moins, l'indépendance du Québec, c'est pour dans 5-10 ans. Oui, vous avez tout à fait raison de souligner ce que le Nouvel Obs relate à l'époque. C'est qu'il y a une perception en France qui est assez répandue que les indépendantistes ont été élus, donc ils ont promis un référendum. Oui, mais c'est parce qu'ils vont le gagner. C'est parce qu'ils savent qu'ils vont le gagner. Donc, on est vraiment... Ils pensent que M. Lévesque, le Parti québécois, sont vraiment les maîtres du jeu, ont l'initiative et que ça va porter fruit. Donc, ils font pas... Il y a des nuances qui se perdent, qui se perdent, dis-je, entre la victoire et la victoire à venir au référendum, à tout le moins, c'est ce qu'on anticipe en France. Donc, là-dessus, c'est sûr qu'ils sont peut-être pas tout à fait assez au courant ou informés de l'état des forces sur la question précise de l'appui à l'indépendance. Le point culminant du voyage de René Lévesque en France en 1977 arrive au deuxième jour de sa visite officielle, le 3 novembre. À l'Élysée, le président de la République française, pour sa part, s'était réservé le privilège de consacrer l'amitié franco-québécoise. M. René Lévesque a été décoré grand officier de la Légion d'honneur. C'est le deuxième rang dans la hiérarchie de cet ordre. Plus tard, M. Valéry Giscard d'Estaing a voulu dépasser les symboles. Au cours d'un toast porté à l'occasion du déjeuner qu'il a offert à M. Lévesque, le président de la République lui a fait savoir « Quoi qu'il arrive, le Québec peut compter sur la sympathie fraternelle de la France. » Il a poursuivi en disant « Vous déterminerez vous-même, sans ingérence, les chemins de votre avenir. Vous en avez le droit et vous en avez la capacité. » Je ne sais pas si je dois vous le dire, mais comme premier ministre d'un gouvernement qui est quand même très près de, pour toutes les raisons qu'on connaît, de celui de la France, je me suis vu décerné par le président de la République à un niveau qui me renverse un peu, la Légion d'honneur. Je ne sais pas si ça va créer des incidents. De toute façon, je sais que ça venait du cœur, de la part du président de la République. Moi, je l'ai accepté comme ça, pas en mon nom personnel, je ne me fais pas d'illusions, mais au nom des Québécois. Alors, si par hasard, il y avait un incident, ce serait un incident pour une Légion d'honneur qui revient au Québec, pas moi. Alors, commençons par ce bout-là. On reviendra sur la politique du Nini dans un instant, Frédéric Bastien, mais sur cette remise de la Légion d'honneur à René Lévesque, comment réagit Ottawa? René Lévesque parle dans ce reportage de Jean Larrain d'incidents possibles. Je ne sais pas si ça va créer des incidents. L'accueil qu'on lui réserve, la Légion d'honneur, comment c'est reçu à Ottawa? Oui, ben, c'est sûr que c'est très mal reçu, mais le Ottawa va un peu se faire violence pour ne pas trop réagir. En fait, ce qui va faire le plus réagir, c'est qu'à un moment, Giscard va dire « Vous pouvez compter sur l'appui, la compréhension et le soutien de la France le long de la route que vous déciderez de prendre ». Et donc là, Giscard va dire, un peu sans le dire, mais en le disant aussi très assez clairement finalement, que oui, si jamais vous choisissez l'indépendance, on sera avec vous. On sera avec vous. Alors, j'ai questionné des conseillers de Giscard lorsque je faisais mes recherches qui m'ont confirmé ce qu'on pouvait déjà deviner par cette déclaration, que l'idée était de montrer un appui à M. Lévesque, à l'indépendance, sans aller aussi loin que de Gaulle, tout en gardant quand même une certaine réserve. Alors évidemment, Ottawa va très bien sentir tout ça et va être très, très malheureux, ouais, et choqué de cette visite, sans toutefois trop le montrer. Ouais. Et c'est ça la fameuse politique du Nini. Giscard, c'est lui qui, au fond, l'exprime. C'est le non-ingérence, mais non-indifférence. Oui, voilà. Alors, il s'agissait de trouver une formule, et c'est cette formule-là qui va faire école, pour montrer une sympathie sans aller trop loin, et puis pour pouvoir dire tout et son contraire, n'est-ce pas? Parce que non-ingérence, non-indifférence, en même temps, ça peut se placer dans à peu près n'importe quel contexte. Donc, ça peut satisfaire tout le monde, voilà, même si ça indispose Ottawa, mais ça pourrait être aussi une façon pour la France de dire on se mêlera pas de vos affaires. Voilà. Il s'agit de trouver une formule acceptable, une formule publique qui va être un peu acceptable, ou en tout cas relativement acceptable à tous. Dans les faits, dans ce qui se dit en coulisses, dans ce que les Français entrevoient, le gouvernement français pour l'avenir, il n'y a pas de doute, même si on ne le claironne pas de façon trop ouverte, il n'y a pas de doute sur ce que la France aurait fait. Alors, René Lévesque, évidemment, rentre au Québec. Il y aura, à partir de 1977, une espèce de tradition, pour quelques années, en tout cas pendant que le gouvernement Lévesque va être en poste d'alternance. Les premiers ministres du Québec et de la France se visiteront chacun leur tour. Mais cette grande vague d'amour va s'estomper un peu quand François Mitterrand va devenir président français en 81. Frédéric Bastien, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bien, une chose qui va beaucoup joué et qui a joué un peu à l'époque de Giscard, c'est les relations interpersonnelles. Alors, Valéry Giscard d'Estaing ne s'entendait pas du tout avec Pierre Trudeau, donc ça va être d'autant plus facile pour lui d'aller un plus vers le Québec. C'était un peu comme deux... ils avaient un style un peu médiatique, playboy, et puis c'était un peu comme deux coqs dans une basse-cour qui se faisaient ombrage l'un à l'autre, d'une certaine façon. Alors, autant, donc, ça passait pas bien entre Giscard et Trudeau, autant... quand Mitterrand va arriver, là, ça va être l'inverse qui va se produire. Alors, le contact entre Trudeau et Mitterrand va très bien passer. Ce sont deux personnes qui sont très férues de littérature, entre autres, qui ont les mêmes références culturelles à de multiples égards, qui vont s'échanger des citations, etc. Et par ailleurs, avec René Lévesque et Mitterrand, ça passait pas du tout. Donc, l'évêque l'appelait mon oncle François, et puis le style débraillé un peu de M. l'évêque, il faisait dire à Mitterrand, mais voilà, c'est un espèce de bûcheron du Canada. À un moment donné, M. l'évêque avait mis sa cendre de cigarette dans la... dans l'assiette qui était placée sous la soucoupe de thé de M. Mitterrand, sans s'en rendre compte, hein, comme ça, en gesticulant et en parlant, vous savez. Et donc, le genre de choses que Mitterrand n'aimait pas du tout. Et donc, ça passait vraiment pas bien avec M. l'évêque et ça passait bien avec M. Trudeau. Donc, le deuxième mandat du Parti québécois, puisque c'est Mitterrand qui sera président de la République à ce moment-là, un refroidissement avec un enjeu autour du premier sommet de la francophonie, mais Mitterrand va quand même être un petit peu, en guillemets, rappelé à l'ordre par sa garde rapprochée là-dessus. Oui, alors, ça aurait pu être sans conséquence, ce refroidissement, s'il n'y avait pas eu des enjeux importants qui sont discutés, parce que parfois, les dirigeants ne s'entendent pas très bien, mais de toute façon, il n'y a rien qui divise le Canada, le Québec et la France, donc il n'y a pas d'enjeu dans les relations triangulaires. Mais là, il y en a un important, c'est la place du Québec au sommet de la francophonie. Mitterrand va être le premier président à organiser le sommet des pays francophones, le premier sommet des pays francophones. Et là, il y a toute la question de la participation du Québec. Est-ce que le Québec va être un participant de plein droit à ce sommet des pays francophones? Alors, évidemment, Trudeau ne veut rien savoir. Et Mitterrand est pressé et il se dit, bon, alors, qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas moyen de débloquer Trudeau et l'évêque. Et il se dit, si je veux être vraiment aller de l'avant rapidement, bien, on va être obligé de laisser de côté le Québec parce que jamais Trudeau va faire accepter que le Québec ait une place autonome au sein du sommet des pays francophones. Alors, il va s'entendre avec Trudeau dans un espèce de projet où il y a un sommet à deux étages, donc en première journée du sommet, les chefs d'État et de gouvernement, dont le Québec est exclu, et la deuxième journée, il y aura une espèce de deuxième étage, entre guillemets, où là, il y aurait toutes sortes de participants qui ne seraient pas des chefs d'État et des gouvernements, ou pas seulement des chefs d'État et de gouvernement. Et là, Trudeau envisageait d'inviter les représentants de l'Association des Acadiens, puis des Franco-Manitobains, et puis le premier ministre du Nouveau-Brunswick, tout faire, n'est-ce pas, pour que la présence du Québec soit banalisée le plus possible. Et là, l'évêque va dire, bien, si c'est ça, nous n'y allons pas. On va dire à tout le monde que ce n'est pas nos conditions et vous aurez à vous expliquer de ça. Et c'est ça qui va faire réfléchir Mitterrand, parce que tout ça va un peu filtrer, pas beaucoup publiquement, mais un peu quand même. Et là, en France, bien, on avait Chirac tout à l'heure, on entendait. Chirac est devenu le chef de l'opposition. Et là, il va avoir vent de ça et il va dire, bien, la France doit être fidèle dans l'histoire, n'est-ce pas? Elle ne doit pas abandonner le Québec, etc. Et au sein du gouvernement de Mitterrand, il y a un certain nombre de personnes qui disent, mais là, on ne peut pas faire ça. On a une bonne coopération avec le Québec. Avec le fédéral, notre coopération piétine. Il n'y a pas vraiment de choses intéressantes qui se passe. Trudeau avait fait miroiter plein de belles réussites possibles en coopérant avec une coopération entre la France et le Canada. Tout ça ne s'est pas matérialisé. Et ça va finir par refroidir, justement, Mitterrand. Il va finir par se dire, bien, on est mieux d'attendre que l'évêque et ou Trudeau ou les deux quittent leur poste. Frédéric Bastien, professeur d'histoire au Collège Dawson, auteur, je le rappelle, du livre « Relations particulières, la France face au Québec après de Gaulle ». Merci beaucoup. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.